Ainsi parlait Zarathoustra, un livre pour tous et pour personne. Je veux raconter maintenant l'histoire de Zarathoustra. La conception fondamentale de l'œuvre, l'idée de l'éternel retour, cette formule suprême de l'affirmation, la plus haute qui puisse se concevoir, date du mois d'août de 1881. Elle est jetée sur une feuille de papier avec cette inscription « À 6000 pieds par-delà l'homme et le temps ». Je parcourais ce jour-là la forêt, le long du lac de Silvaplana, près d'un formidable bloc de rochers qui se dressait en pyramide, non loin de Surley, je fis halte. C'est là que cette idée m'est venue. Si, à compter de ce jour, je me reporte à quelques mois en arrière, je trouve comme signe précurseur de cet événement une transformation soudaine, profonde et décisive de mes goûts, surtout en musique. Peut-être faut-il ranger mon Zarathoustra sous la rubrique musique. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il supposait au préalable une régénération totale de l'art d'écouter. Dans une petite ville d'eau en pleine montagne, près de Vicens, à Recoara, où je passais le printemps de l'année 1881, je découvris en compagnie de mon maestro et ami Peter Gast, un régénéré lui aussi, que le phénix musique volait près de nous paraît d'un plumage plus léger et plus brillant qu'autrefois. Si pourtant, à compter de ce jour, je me transporte en pensée jusqu'à la date de l'enfantement, qui se fit soudainement et dans les conditions les plus invraisemblables au mois de février 1883, la partie finale, celle dont j'ai cité quelques passages dans la préface, fut achevée précisément à l'heure sainte où Richard Wagner mourait à Venise. Je constate que l'incubation fut de 18 mois. Ce chiffre d'exactement 18 mois pourrait donner à penser, entre bouddhistes tout au moins, que je suis au fond un éléphant femelle. L'intervalle appartient à la composition du Gai Savoir, qui contient déjà 100 indices annonçant l'approche de quelque chose d'incomparable. En fin de compte, on y trouve même le début de Zarathoustra, car l'avant-dernière pièce du quatrième livre en contient l'idée fondamentale. À cette période intermédiaire appartient également la composition de cet hymne à la vie, avec chœur mixte et orchestre, dont la partition apparut il y a 2 ans chez E.W. Fritsch à Leipzig. Et ce n'était peut-être pas là un symptôme sans importance pour l'état d'esprit de cette année, où l'émotion affirmative par excellence, appelée par moi « émotion tragique », m'animer à son suprême degré. On le chantera plus tard un jour en mémoire de moi. Le texte, je tiens à le dire expressément parce qu'il y a eu malentendu à ce sujet, le texte n'est pas de moi. Il est dû à l'étonnante inspiration d'une jeune Russe avec qui j'étais alors lié d'amitié, Mademoiselle Lou de Salomé. Pour qui est capable de saisir le sens qui s'attache au dernier vers de ce poème, il sera facile de deviner pourquoi je leur accordais ma préférence et mon admiration. Ils ont de la grandeur. La douleur n'y est point présentée comme une objection contre la vie. S'il ne te reste plus de bonheur à me donner, eh bien, tu as encore ta peine. Peut-être qu'en cet endroit, ma musique n'est pas non plus dépourvue de grandeur. L'hiver suivant, je vécus dans cette baie riante et silencieuse de Rapallo, près de Gênes, qui s'incurve entre Chiavari et le cap de Portofino. Ma santé n'était pas des meilleures. L'hiver était froid et pluvieux au-delà de toute expression. La petite auberge où j'étais descendu était située tout près de la mer, de telle sorte que le bruit des flots rendait la nuit le sommeil impossible. Elle offrait donc, en toute chose, à peu près exactement le contraire de ce qui m'eût été nécessaire. Malgré cela, et en quelque sorte pour démontrer que tout ce qui est décisif naît malgré les circonstances, ce fut durant cet hiver et dans ces circonstances défavorables que mon Zarathoustra prit naissance. Le matin, je montais généralement la superbe route de Zoagli, en me dirigeant vers le sud, le long d'une forêt de pins. Je voyais se dérouler devant moi la mer qui s'étendait jusqu'à l'horizon. L'après-midi, je faisais le tour de toute la baie, depuis Santa Margherita jusque derrière Portofino. Ce lieu, ce paysage, s'est encore rapproché de mon cœur par le grand amour qu'éprouvait à son égard l'empereur Frédéric III. Le hasard voulut qu'en automne 1886, je me trouvais de nouveau sur cette côte lorsqu'il visita pour la dernière fois ce petit univers de bonheur oublié à l'écart. C'est sur ces deux chemins que m'est venue l'idée de toute la première partie de Zarathoustra, avant tout Zarathoustra lui-même considéré comme type. Mieux encore, j'ai été surpris par Zarathoustra. Pour comprendre ce type, il faut d'abord se rendre compte de sa première condition physiologique. Elle est ce que j'appelle la grande santé. Je ne saurais mieux expliquer cette idée, l'interpréter d'une façon plus personnelle que je ne l'ai déjà fait dans l'un des derniers morceaux du cinquième livre du Gai Savoir. Nous autres hommes nouveaux et innommés, hommes difficiles à convaincre, y est-il dit, nous qui sommes nés trop tôt pour un avenir dont la démonstration n'est pas encore faite, nous avons besoin, pour une fin nouvelle, d'un moyen nouveau. Je veux dire d'une nouvelle santé, d'une santé plus vigoureuse, plus aiguë, plus endurante, plus intrépide et plus joyeuse que ne furent jusqu'à présent toutes les santés. Celui dont l'âme est avide de faire le tour de toutes les valeurs qui ont eu cours et de tous les désirs qui ont été satisfaits jusqu'à présent, de visiter toutes les côtes de cette Méditerranée idéale, celui qui veut connaître, par les aventures de sa propre expérience, quels sont les sentiments d'un conquérant et d'un explorateur de l'idéal, et, de même, quels sont les sentiments d'un artiste, d'un saint, d'un législateur, d'un sage, d'un savant, d'un homme pieux, d'un devin, d'un divin solitaire d'autrefois. Celui-là aura avant tout besoin d'une chose, de la grande santé. D'une santé que l'on possède non seulement, mais qu'il faut aussi conquérir sans cesse, puisque sans cesse il faut la sacrifier. Et maintenant, après avoir été ainsi longtemps en chemin, nous, les argonautes de l'idéal, plus courageux peut-être que ne l'exigerait la prudence, souvent naufragés et endoloris, mais mieux portants que l'on ne voudrait nous le permettre, dangereusement bien portants toujours à nouveau. Il nous semble avoir devant nous comme récompense un pays inconnu, dont personne encore n'a vu les frontières, un au-delà de tous les pays, de tous les recoins de l'idéal connu jusqu'à ce jour, un monde si riche en choses belles, étranges, douteuses, terribles et divines, que notre curiosité autant que notre soif de posséder sont sorties de leur gonds. Hélas, que maintenant rien n'arrive plus à nous rassasier. Comment pourrions-nous, après de pareils aperçus et avec une telle faim dans la conscience, une telle avidité de science, nous satisfaire encore des hommes actuels? C'est assez grave, mais c'est inévitable. Nous ne regardons plus leurs buts et leurs espoirs les plus dignes qu'en tenant mal notre sérieux, et peut-être ne les regardons nous-mêmes plus. Un autre idéal court devant nous, un idéal singulier, tentateur, plein de dangers, un idéal que nous ne voudrions recommander à personne, parce qu'à personne nous ne reconnaissons facilement le droit à cet idéal. C'est l'idéal d'un esprit qui se joue naïvement, c'est-à-dire sans intention, et parce que sa plénitude et sa puissance débordent de tout ce qui, jusqu'à présent, s'est appelé sacré, bon, intangible, divin. Pour qui les choses les plus hautes qui servent avec raison de mesure au peuple signifieraient déjà quelque chose qui ressemble au danger, à la décomposition, à l'abaissement, ou du moins à la convalescence, à l'aveuglement, à l'oubli momentané de soi. C'est l'idéal d'un bien-être et d'une bienveillance humain sur humain, un idéal qui apparaîtra souvent inhumain, par exemple lorsqu'il se place à côté de tout ce qui jusqu'à présent a été sérieux, terrestre, à côté de toute espèce de solennité dans l'altitude, la parole, l'intonation, le regard, la morale et la tâche, comme leur vivante parodie involontaire, et avec lequel, malgré tout cela, le grand sérieux commence peut-être seulement. Le véritable problème est peut-être seulement posé. La destinée de l'âme se retourne, l'aiguille marche, la tragédie commence. Quelqu'un a-t-il, en cette fin du XIXe siècle, la notion claire de ce que les poètes aux grandes époques de l'humanité appelaient l'inspiration? Si nul ne le sait, je vais vous l'expliquer ici. Pour peu que l'on ait gardé en soi la moindre parcelle de superstition, on ne saurait en vérité se défendre de l'idée qu'on n'est que l'incarnation, le porte-voix, le médium de puissance supérieure. Le mot « révélation », entendu dans ce sens que tout à coup quelque chose se révèle à notre vue ou à notre oui, avec une indicible précision, une ineffable délicatesse, quelque chose qui nous ébranle, nous bouleverse jusqu'au plus intime de notre être, est la simple expression de l'exacte réalité. On entend, on ne cherche pas. On prend, on ne se demande pas qui donne. Tel un éclair, la pensée jaillit soudain avec une nécessité absolue, sans hésitation ni recherche. Je n'ai jamais eu à faire un choix. C'était un ravissement où notre âme démesurément tendue se soulage parfois par un torrent de larmes, où nos pas, sans que nous le voulions, tantôt se précipitent, tantôt se ralentissent. C'est une extase qui nous ravit entièrement à nous-mêmes, en nous laissant la perception distincte de mille frissons délicats qui nous font vibrer tout entier, jusqu'au bout des orteils. C'est une plénitude de bonheur, où l'extrême souffrance et l'horreur ne sont plus éprouvées comme un contraste, mais comme partie intégrante et indispensable, comme une nuance nécessaire au sein de cet océan de lumière. C'est un instinct du rythme qui embrasse tout un monde de formes. La grandeur, le besoin d'un rythme ample et presque la mesure de la puissance de l'inspiration, et comme une sorte de compensation à un excès d'oppression et de tension. Tout cela se passe sans que notre liberté y ait aucune part, et pourtant nous sommes entraînés, comme en un tourbillon, par un sentiment plein d'ivresse, de liberté, de souveraineté, de toute puissance, de divinité. Ce qu'il y a de plus étrange, c'est ce caractère de nécessité par quoi s'impose l'image, la métaphore. On perd toute notion de ce qui est image, métaphore. Il semble que ce soit toujours l'expression la plus naturelle, la plus juste, la plus simple, qui s'offre à vous. On dirait vraiment que, selon la parole de Zarathoustra, les choses elles-mêmes viennent à nous désireuses de devenir symboles. Et toutes les choses accourent avec des caresses empressées pour trouver place en ton discours. Et elle te sourit, flatteuse, car elles veulent voler portée par toi. Sur l'aile de chaque symbole, tu voles vers chaque vérité. Pour toi s'ouvrent de même tous les trésors du Verbe. Tout être veut devenir Verbe, tout devenir veut apprendre de toi à parler. Telle est mon expérience de l'inspiration, et je ne doute pas qu'il ne faille remonter à des milliers d'années en arrière pour trouver quelqu'un qui ait le droit de dire « C'est aussi la mienne. » Je fus malade à Gênes, successivement pendant quelques semaines. Ensuite vint un printemps mélancolique à Rome, où j'acceptai la vie, ce ne fut pas facile. Au fond, j'étais excédé au-delà de toute mesure par ce lieu, le plus inconvenant du monde pour le poète de Zarathoustra, et que je n'avais pas choisi. J'essayai de me libérer. Je voulus me rendre à Aquila, cet endroit qui incarne l'idée contraire de Rome et qui fut fondé par inimitié contre Rome, de même que je fonderai un jour un lieu, en souvenir d'un athée et d'un ennemi de l'Église comme il faut, à qui me lie une parenté très proche, le grand empereur de Hohenstaufen, Frédéric II. Mais dans tout cela, il y avait une fatalité. Je fus forcé de revenir. En fin de compte, je me contentai de la Piazza Barbarini après que la recherche d'une contrée antichrétienne m'eut fatigué. Je crains bien que pour échapper autant que possible aux mauvaises odeurs, il ne me soit arrivé de m'enquérir, dans le palais même du Quirinal, d'une chambre silencieuse pour un philosophe. Dans une loggia qui domine la piazza en question, d'où l'on aperçoit tout Rome et d'où l'on entend mugir au-dessus de soi la fontana, ce chant solitaire fut composé, ce chant le plus solitaire qu'il y eut jamais, le chant de la nuit. À cette époque, une mélodie d'une mélancolie indicible hantait mon esprit. J'en retrouvais le refrain dans ces mots « mort d'immortalité ». Revenu en été à ce lieu sacré où j'avais été touché par le premier éclair lumineux de l'idée de Zarathoustra, j'en trouvai la seconde partie. 10 jours suffirent. Dans aucun cas, ni pour le premier, ni pour le troisième et le dernier, je n'ai mis davantage. L'hiver suivant, sous le ciel alcyonien de Nice, qui pour la première fois rayonna alors dans ma vie, j'ai trouvé le troisième Zarathoustra, et j'avais ainsi terminé. Beaucoup de coins cachés et de hauteurs silencieuses dans le paysage de Nice ont été sanctifiés pour moi par des moments inoubliables. Cette partie décisive qui porte le titre « Des vieilles et des nouvelles tables » fut composée pendant une montée des plus pénibles de la gare au merveilleux village mort Edza, bâti au milieu des rochers. L'agilité des muscles fut toujours la plus grande chez moi lorsque la puissance créatrice était la plus forte. Le corps est enthousiasmé. Laissons l'âme hors du jeu. On m'a souvent vu danser. Je pouvais alors, sans avoir la notion de la fatigue, être en route dans les montagnes pendant 7 ou 8 heures de suite. Je dormais bien, je riais beaucoup. J'étais dans un parfait état de vigueur et de patience. Abstraction faite de ses œuvres de 10 jours, les années de la composition de Zarathoustra, et surtout les années qui suivirent, furent des années de détresse sans égale. On paye chèrement d'être immortel. Il faut mourir plusieurs fois durant que l'on est en vie. Il y a quelque chose que j'appelle la rancune de la grandeur. Tout ce qui est grand, une œuvre, une action, se tourne immédiatement après l'achèvement contre son auteur. Par le fait même qu'il l'a accompli, il devient faible. Il n'est plus capable de supporter son action, il ne la regarde plus en plein visage. Avoir quelque chose derrière soi que l'on n'a jamais pu vouloir, quelque chose où s'attache le nœud dans la destinée de l'humanité, et être dès lors forcé à en supporter le poids. On en est presque écrasé. La rancune de la grandeur. Autre chose est l'épouvantable silence que l'on entend autour de soi. La solitude est enveloppée de 7 voiles, rien ne les traverse plus. On vient parmi les hommes, on salue des amis. Ce n'est qu'un nouveau désert, car aucun regard ne vous fait signe. Au meilleur cas, on rencontre une sorte de révolte. J'ai constaté une pareille révolte en une mesure très variable, mais presque de la part de chacun de ceux qui me touchaient de près. Il semble que rien n'offense plus que de faire observer brusquement qu'il y a une distance. Les natures nobles qui ne savent pas vivre sans aussi vénérer sont rares. Il y a une troisième chose encore, c'est cette absurde irritabilité de la peau à l'égard des petites piqûres. On éprouve une sorte de détresse devant toutes les petites choses. Cela semble tenir à cet énorme gaspillage de toutes les forces défensives qui est une des conditions de toute action créatrice, toute action qui tire son origine de ce qu'il y a de plus particulier, de plus intime, de plus profond. Les petites capacités défensives sont ainsi abolies en quelque sorte. Elles ne sont plus alimentées. J'ose encore indiquer que l'on digère plus mal, que l'on n'aime pas à se mouvoir, que l'on est exposé aux sensations de froid et aux sentiments de méfiance. Car la méfiance n'est dans beaucoup de cas qu'une erreur étiologique. Me trouvant un jour dans un état semblable, l'approche d'un troupeau de vaches provoqua chez moi le retour de sentiments plus doux et plus humains avant même qu'il ne fût possible de l'apercevoir. Cela communique de la chaleur. cette œuvre est absolument à part. Ne parlons pas ici des poètes. Il se peut que jamais rien n'ait été créé avec une pareille abondance de force. Ma conception du Dionysien devint ici un acte d'éclat. Évalué à sa mesure, tout le reste des actions humaines apparaît comme pauvre et sans liberté. Qu'un Goethe, un Shakespeare ne saurait respirer seulement un instant dans cette atmosphère de passion formidable et d'attitude vertigineuse. Que Dante, si on le compare à Zarathoustra, n'est qu'un croyant, et non point quelqu'un qui crée d'abord la vérité, un esprit qui domine le monde, une fatalité. Que les poètes des Védas sont des prêtres indignes même de dénouer les cordons des sandales de Zarathoustra. Tout cela n'est pas encore grand-chose et ne donne pas une idée de la distance, de la solitude azurée où vit cette œuvre. Zarathoustra possède un droit éternel à dire « Je forme des cercles autour de moi et des frontières sacrées. Le nombre diminue sans cesse de ceux qui montent avec moi sur des montagnes toujours plus hautes. J'élève une chaîne de montagnes avec des sommets toujours plus sacrés. » Que l'on réunisse le souffle et la qualité des âmes les plus hautes, à elles toutes, elles n'auraient pas été capables de produire un seul discours de Zarathoustra. L'échelle est immense. Où il monte et descend, il a vu plus loin. Il a voulu aller plus loin. Il a pu aller plus loin qu'aucun homme au monde. Il contredit, avec chacune de ses paroles, cet esprit le plus affirmatif qu'il y ait. En lui, toutes les contradictions sont liées pour une unité nouvelle. Les forces les plus hautes et les plus basses de la nature humaine, ce qu'il y a de plus doux, de plus léger et de plus terrible, jaillit d'une seule source avec une immortelle certitude. Jusque-là, on ne savait pas ce que c'était que la hauteur, ce que c'était que la profondeur. On savait encore moins ce que c'était que la vérité. Il n'y a pas un instant, dans cette révélation de la vérité, qui ait déjà été deviné par anticipation par un de ceux qui sont les plus grands. Avant Zarathoustra, il n'existait pas de sagesse, pas de recherche de l'âme, pas d'art de la parole. Ce qui paraît le plus proche, ce qui paraît le plus vulgaire, parle ici de choses inouïes. La sentence tremble de passion, l'éloquence est devenue musique. Des foudres sont lancées vers des avenirs qui n'ont pas encore été devinés. La plus puissante force imaginative qui a jamais existé est pauvreté et jeu d'enfant, si on la compare à ce retour de la langue, à la nature même de l'image. Voyez comme Zarathoustra descend de sa montagne pour dire à chacun les choses les plus bienveillantes. Voyez de quelle main délicate il touche même ses adversaires, les prêtres, et comme il souffre avec eux, d'eux-mêmes. Ici, à chaque minute, l'homme est surmonté. L'idée du surhumain est devenue ici la plus haute réalité. Dans un lointain infini, tout ce qui jusqu'à présent a été appelé grand chez l'homme se trouve au-dessous de lui. Le caractère alcyonien, les pieds légers, la coexistence de la méchanceté et de l'impétuosité et tout ce qu'il y a encore de typique dans la figure de Zarathoustra n'a jamais été rêvé comme attribut essentiel de la grandeur. Zarathoustra se considère précisément, dans ses limites de l'espace, dans cet accès facile pour les choses les plus contradictoires, comme l'espèce supérieure de tout ce qui est. Et si l'on veut écouter comment il définit cela, on renoncera à vouloir chercher son égal. L'âme qui a la plus longue échelle et qui peut descendre le plus bas. L'âme la plus vaste qui peut courir, au milieu d'elle-même, s'égarer et errer le plus loin, celle qui est la plus nécessaire, qui se précipite par plaisir dans le hasard. L'âme qui est, qui plonge dans le devenir, l'âme qui possède, qui veut entrer dans le vouloir et dans le désir. L'âme qui se fuit elle-même et qui se rejoint elle-même dans le plus large cercle, l'âme la plus sage que la folie invite le plus doucement. L'âme qui s'aime le plus elle-même, en qui toutes choses sont leur montée et leur descente, leur flux et leur reflux. Mais ceci est précisément l'idée même de Dionysos. Une autre considération conduit également à cette idée. Le problème psychologique dans le type de Zarathoustra est formulé de la façon suivante. Comment celui qui s'en tient à un suprême degré de négation, qui agit par négation en face de tout ce qui jusqu'à présent a été affirmé, peut être malgré cela le plus léger et le plus lointain? Zarathoustra est un danseur. Comment celui qui procède à l'examen le plus dur et le plus terrible de la réalité, qui a imaginé les idées les plus profondes, n'y trouve néanmoins pas d'objection contre l'existence et pas même contre l'éternel retour de celle-ci? Comment il y trouve même une raison pour être lui-même l'éternelle affirmation de toute chose, dire oui et amen d'une façon énorme et illimitée? Je porte dans tous les gouffres mon affirmation qui bénit. Mais ceci, encore une fois, c'est l'idée même de Dionysos. Quel langage parlera un pareil esprit lorsqu'il se parle à lui-même? Le langage du dithyrambe. Je suis l'inventeur du dithyrambe. Que l'on écoute donc comment Zarathoustra se parle à lui-même avant le lever du soleil. Partie 3, page 234. Un pareil bonheur d'émeraude, une pareille tendresse divine, avant moi n'avait pas encore trouvé son expression. Même la plus profonde tristesse, chez un pareil Dionysos, se transforme en dithyrambe. Je veux en donner pour preuve le chant de la nuit. La plainte immortelle d'être condamné par l'abondance de la lumière et de la puissance, par sa nature solaire, à ne pas aimer. Il fait nuit. Voici que s'élève plus haut la voix des fontaines jaillissantes, et mon âme, elle aussi, est une fontaine jaillissante. Il fait nuit. Voici que s'éveillent tous les chants des amoureux. Et mon âme, elle aussi, est un chant d'amoureux. Il y a en moi quelque chose d'inapaisé et d'inapaisable qui veut élever la voix. Il y a en moi un désir d'amour qui parle lui-même le langage de l'amour. Je suis lumière. Ah, si j'étais nuit! Mais ceci est ma solitude d'être enveloppé de lumière. Hélas, que ne suis-je ombre et ténèbres, comme j'étancherai ma soif aux mamelles de la lumière. Et vous-même, je vous bénirai, petits astres scintillants, vers luisant du ciel, et je me réjouirai de la lumière que vous me donneriez. Mais je vis de ma propre lumière. J'absorbe en moi-même les flammes qui jaillissent de moi. Je ne connais pas la joie de ceux qui prennent, et souvent j'ai rêvé que voler était une volupté plus grande encore que de prendre. Ma pauvreté, c'est que ma main ne se repose jamais de donner. Ma jalousie, c'est de voir des yeux pleins d'attente et des nuits illuminées de désir. Ô misère de tous ceux qui donnent, ô obscurcissement de mon soleil, ô désir de désirer, ô faim dévorant dans la satiété. Ils prennent ce que je leur donne, mais suis-je en contact avec leurs âmes? Il y a un abîme entre donner et prendre, et le plus petit abîme est le plus difficile à combler. Une faim née de ma beauté, je voudrais faire du mal à ceux que j'éclaire, je voudrais dépouiller ceux que je comble de mes présents. C'est ainsi que j'ai soif de méchanceté. Retirant la main, lorsque déjà la main se tend, hésitant comme la cascade qui, dans sa chute, hésite encore. C'est ainsi que j'ai soif de méchanceté. Mon opulence médite de telles vengeances, de telles malices naissent de ma solitude. Mon bonheur de donner est mort à force de donner. Ma vertu s'est fatiguée d'elle-même et de son abondance. Celui qui donne, toujours court le danger de perdre la pudeur. Celui qui toujours distribue, à force de distribuer, finit par avoir des callosités à la main et au cœur. Mes yeux ne fondent plus en larmes sur la honte des suppliants. Ma main est devenue trop dure pour sentir le tremblement des mains pleines. Que sont devenues les larmes de mes yeux et le duvet de mort, cœur? Ô solitude de tous ceux qui donnent! Ô silence de tous ceux qui luisent. Bien des soleils gravitent dans l'espace désert, leur lumière parle à tout ce qui est ténèbres. C'est pour moi seul qu'ils se taisent. Hélas, telle est l'inimitié de la lumière pour ce qui est lumineux. Impitoyablement, elle poursuit sa course. Injuste, au fond du cœur contre tout, ce qui est lumineux froise envers les soleils. Ainsi tous les soleils poursuivent leur course. Pareils à l'ouragan, les soleils volent le long de leur voie. C'est là leur route. Ils suivent leur volonté inexorable. C'est là leur froideur. Oh, c'est vous seuls, êtres obscurs et nocturnes, qui créez la chaleur par la lumière. Oh, c'est vous seuls qui buvez un lait réconfortant aux mamelles de la lumière. Hélas, la glace m'environne. Ma main se brûle à des contacts glacés. Hélas, la soif est en moi, une soif altérée de votre soif. Il fait nuit. Hélas, pourquoi me faut-il être lumière, et soif de ténèbres et solitude? Il fait nuit. Voici que mon désir jaillit comme une source. Mon désir veut élever la voix. Il fait nuit. Voici que s'élève plus haut la voix des fontaines jaillissantes, et mon âme, elle aussi, est une fontaine jaillissante. Il fait nuit. Voici que s'éveillent tous les chants des amoureux, et mon âme, elle aussi, est un chant d'amoureux. De pareilles choses n'ont jamais été écrites, jamais été senties, jamais été souffertes. Ainsi souffre un dieu, un Dionysos. La réponse à un pareil dithyrambe de l'isolement où se trouve le soleil en pleine lumière pourrait être donnée par Ariane. Qui donc sait, en dehors de moi, ce qu'est Ariane? De toutes ces énigmes, personne ne pouvait jusqu'à présent donner la clé. Je doute même que quelqu'un y vit jamais une énigme. Zarathoustra détermine une fois avec sévérité sa tâche et c'est aussi la mienne. Il ne faut pas se tromper au sujet de la signification précise de cette tâche. Zarathoustra est affirmatif, jusqu'à justifier aussi tout le passé, jusqu'à faire le salut du passé. Je vais parmi les hommes comme parmi des fragments du futur, de ce futur où plonge mon regard. Ma seule ambition de poète est de recomposer, de ramener à l'unité ce qui n'est que fragment, énigme, effroyable hasard. Comment supporterais-je d'être homme si l'homme n'est aussi poète et déchiffreur d'énigmes et rédempteur du hasard? Racheter tout ce qui furent et convertir tout il y avait en « c'est ce que j'ai voulu », cela, et cela seul, je l'appellerai rédemption. En un autre passage, Zarathoustra détermine aussi sévèrement que possible ce qui pour lui pourrait seul être l'homme. Non point un objet d'amour ou même de pitié. Zarathoustra s'est aussi rendu maître du grand dégoût que lui inspire l'homme. L'homme est pour lui une chose informe, une matière, une vilaine pierre qui a besoin du statuaire. Ne plus vouloir et ne plus évaluer et ne plus créer. Oh, que cette grande lassitude reste toujours loin de moi. Dans la recherche de la connaissance, ce n'est encore que la joie de la volonté, la joie d'engendrer et de devenir que je sens en moi. Et s'il y a de l'innocence dans ma connaissance, c'est parce qu'il y a en elle de la volonté d'engendrer. Cette volonté m'a attiré loin de Dieu et des dieux. Qui aurait-il donc à créer s'il y avait des dieux? Mais mon ardente volonté de créer me pousse sans cesse vers les hommes. Ainsi le marteau est poussé vers la pierre. Hélas, ô homme, une statue sommeille pour moi dans la pierre, la statue des statues. Hélas, pourquoi faut-il qu'elle dorme dans la pierre la plus affreuse et la plus dure? Maintenant mon marteau frappe cruellement contre cette prison. La pierre se morcelle. que m'importe. Je veux achever cette statue, car une ombre m'a visité. La chose la plus silencieuse et la plus légère est venue auprès de moi. La beauté du surhumain m'a visité comme une ombre. Hélas, mes frères, que m'importent encore les dieux? Je fais ressortir un dernier point de vue. Le passage que j'ai souligné m'en fournit le prétexte. Pour une tâche dionysienne, la dureté du marteau, la joie même de la destruction, font partie de la façon la plus décisive des conditions premières. L'impératif « devenez dur », la certitude fondamentale que tous les créateurs sont durs, voilà le véritable signe distinctif d'une nature dionysienne.